tema. Quizá usted muela, porque usted muesa. Moi t'es toujours pour ça, comme ça. Chérie, moi t'as aimé, toujours vivre avec vous. Comme ça, t'es toujours pour ça. Comme ça, toujours ça cabane. Moi t'es toujours pour ça, comme ça. Chérie, moi t'as aimé, toujours vivre avec vous. Comme ça, t'es toujours pour ça. Comme ça, toujours ça cabane. Si cherchez la vue, s'il fouillez la joie d'or. bonne venue.